m'avez fait appeler, ma chère Marguerite, mais qu'avez-vous? Rien, rien, ne faites pas attention. Écoutez-moi, Prudence. Je voudrais vous charger... De quoi? De porter cette lettre. À qui? Lisez. À monsieur de... Non. Non, ne dites rien, mais partez. Partez vite. Que fais-tu donc là, Marguerite? Ah, c'est toi. Tu écrivais? Oui, toi, j'écrivais. Pourquoi ce trouble, cette pâleur? À qui écrivais-tu, Marguerite? Donne-moi cette lettre. Cette lettre est pour toi, Armand. Pour moi. Mais je te demande au nom du ciel de ne pas t'adonner. Je croyais que nous en avions fini avec les secrets et les mystères. Oh, mais pas plus qu'avec les soupçons, à ce qu'il paraît. Pardon. Je suis moi-même préoccupé. De quoi? Mon père est arrivé. Tu l'as vu? Non, mais il a laissé chez moi une lettre sévère. Il a pris ma retraite ici, ma vie avec toi. Il doit venir ce soir. Ce sera une longue explication, car Dieu sait ce qu'on lui aura dit. Mais il te verra. Et quand il t'aura vu, il t'aimera. Oui. Il ne faut pas te brouiller avec ton père, mon ami. Il doit venir ici. Eh bien alors, je vais m'en aller. Pourquoi? Non, non, non, je vais m'éloigner, mais oui, simplement. Mais je serai là, bien sûr, je serai là, près de toi. Je me jetterai à ses pieds, je l'implorerai tant, mais tant qu'il n'osera pas nous séparer. Comme tu dis cela, Marguerite, il se passe quelque chose. Ce n'est plus la nouvelle que je t'annonce qui t'agite ainsi, c'est à peine si tu te soutiens. Il y a un malheur ici. Cette lettre. Non, cette lettre renferme une chose que je ne puis te dire. Tu sais, il y a vraiment des choses qu'on ne peut ni dire soi-même, ni laisser lire devant soi. Mais cette lettre est une preuve d'amour que je te donne, mon Armand. Alors, si je te le jure par notre amour, ne m'en demande pas davantage. Garde cette lettre, Marguerite. Je sais tout. Prudence m'a tout dit ce matin. Et c'est pour cela que je suis allé à Paris. Eh bien, maintenant que tu sais tout, laisse-moi partir. Partir. Tu calmeras ton père s'il est irrité, n'est-ce pas? Et puis notre projet s'accomplira, et nous vivrons ensemble, et nous serons heureux comme nous le sommes depuis 3 mois, car tu es heureux. Car tu n'as rien à me reprocher. Oh, mais si je t'ai jamais causé quelque peine, je t'en demande pardon. Je t'aime plus que tout au monde. Et toi aussi, tu m'aimes. Toi aussi, tu m'aimes. Dis-le-moi. Dis-le-moi, ça me fera tant de bien. Oui, je t'aime. Je t'aime. Pourquoi ces larmes? Oh, j'avais besoin de pleurer un peu. Maintenant, je suis plus calme. Tiens, tu vois, je souris. Je suis là, tu sais. Tout près de toi. Toujours prête à te rejoindre. T'aimant toujours. À bientôt, mon amour. À bientôt. Un mois après, chez Olympe. Oui. Allons, vos jeux, messieurs. Combien y a-t-il en banque? Il y a 100 louis. Je mets 5 francs à droite. Enfin, c'était bien la peine de me demander ce qu'il y avait pour mettre 5 francs. Aimes-tu mieux que je joue 10 louis sur parole? Ah non, surtout pas sur parole. Et vous, docteur, vous ne jouez pas? Non. Mais qu'est-ce que vous faites donc là-bas? Je cause avec des femmes charmantes. Je me fais connaître. Vous gagnez tant à être connu. Je ne gagne même que cela. Non, si c'est ainsi qu'on joue, je passe la main. Attends, sur 10 francs. Où sont-ils? Dans ma poche. Je donnerais bien 15 francs pour les voir. Allons, bon, j'ai oublié ma bourse. Ben voilà une bourse qui sait bien son métier. Allez, tiens, prends ces 20 francs. Je te les rendrai. Mais ne dis pas de bêtises. J'ai 9. Oh, il gagne toujours. Et voilà 50 louis que je fais. Docteur, guérissez donc Arthur de la maladie de faire de l'embarras. C'est une maladie de jeunesse qui passera avec l'âge. Il prétend avoir perdu 1000 francs. Il avait 2 louis dans sa poche quand il est arrivé. Comment le sais-tu? Avec ça, il faut regarder longtemps une poche pour savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je dois 960 francs. Eh bien, je plains celui à qui vous l'aidez. Vous avez tort, ma chère. Je paie toujours mes dettes. Allons, à vos jeux, messieurs. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. On joue donc toujours? Toujours. Donnez-moi 10 louis, Saint-Gaudens, que je joue un peu. Olympe, votre soirée est charmante. Saint-Gaudens sait ce qu'elle lui coûte. C'est pas lui qui sait ce mais c'est ta femme. Le mot est joli. Voilà, docteur. Dis-moi, il faut que je vous condamne. J'ai quelquefois des étourdissements. Qu'est-ce qu'il demande? Il croit avoir une maladie du cerveau. Le pacte. J'ai perdu. Saint-Gaudens, jouez pour moi et tâchez de gagner. Bon. Saint-Gaudens, prêtez-moi donc 3 louis. Attends. Saint-Gaudens, allez me chercher une glace. Ah non, tout à l'heure. Alors racontez-nous l'histoire du fiacon jaune. Rappelle l'histoire du fiacon jaune. Si je me la rappelle, mais je le crois bien, c'est chez Marguerite qu'on n'a pas voulu nous conter ça. Mais à propos, elle est ici, Marguerite? Elle doit venir. Et Armand? Mais Armand n'est pas à Paris. Mais vous ne savez donc pas ce qui s'est passé, non? Mais non. Mais ils sont séparés, Marguerite l'a quitté. Mais quand donc? Il y a un mois, et qu'elle a bien fait. Mais pourquoi cela? On doit toujours quitter les hommes avant qu'ils vous quittent. Voyons, messieurs, joue-t-on ou ne joue-t-on pas? Oh, Arthur, tu es assommant, toi. Crois-tu que je vais muser les doigts à faire tourner des cartes pour 100 sous que tu joues? Ah, tous les Arthurs sont les mêmes. Mais heureusement que le dernier des Arthurs. Anaïs, voici la glace demandée. Oh, vous avez été bien long, mon pauvre vieux. Après ça, votre... Messieurs, la banque a sauté. Oh. Quand on pense que si l'on me disait, Gaston, mon ami, on va te donner 500 francs à condition que tu retourneras des cartes pendant toute une nuit, je ne le voudrais pas, certainement. Eh bien, voilà 2 heures que j'en retourne pour perdre 2000 francs. Ah, le jeu est un jeu. Viens, mon Armand. Nous parlions de toi, justement. Que disiez-vous? Nous disions que vous étiez à Tours et que vous ne viendriez pas. Vous vous trompiez. Quand es-tu arrivé? Il y a 1 heure. Eh bien, mon cher Armand, qu'est-ce que vous me conterez de neuf? Mais rien, Prudence. Et vous? Avez-vous vu Marguerite? Non. Elle va venir. Oh, je n'avais rien. Comme vous dites ça. Comment voulez-vous que je le dise? Le cœur est donc guéri? Tout à fait. Ainsi, vous ne pensez plus à elle? Vous dire que je n'y pense plus du tout serait mentir, mais... Marguerite m'a donné mon congé d'une si verte façon que je me suis trouvé bien sot d'en avoir été amoureux comme je l'ai été. Car j'ai été vraiment fort amoureux d'elle. Elle vous aimait bien aussi. Elle vous aime toujours un peu, d'ailleurs. Mais il était temps qu'elle vous quittât, on allait vendre chez elle. Et maintenant, c'est payé? Entièrement. Et c'est monsieur de Varville qui a fait les fonds? Oui. Tout est pour le mieux, là. Il y a des hommes faits exprès pour ça. Bref, il en est arrivé à ses fins, il lui a rendu ses chevaux, ses bijoux, tout son luxe d'autrefois. Et elle est revenue à Paris? Naturellement. Du reste, je ne l'ai jamais vue comme elle est maintenant. Elle ne dort presque plus, elle court les balles, elle passe les nuits. Dernièrement, après un souper, elle est restée 3 jours au lit. Et quand le médecin lui a permis de se lever, elle a recommencé au risque d'en mourir. Ah, si elle continue, elle n'ira pas loin. Comptez-vous aller la voir? Non. Je compte même éviter toute explication. Allons, vous êtes raisonnable, j'en suis enchantée. Ma chère Prudence, voici un de mes amis à qui j'ai quelque chose à dire, voulez-vous? Oh, mais comment donc? Félix-moi! Gustave, enfin. Tu as reçu ma lettre? Oui, puisque me voilà. Tu as dû te demander pourquoi je te priais de venir à une de ces fêtes qui sont si peu dans tes habitudes. Je l'avoue. Tu n'as pas vu Marguerite depuis longtemps? Non. Pas depuis que je l'ai vue avec toi. Alors tu ne sais rien? Rien? Tu croyais que Marguerite m'aimait, n'est-ce pas? Je le crois encore. Lis. C'est Marguerite qui a écrit cela? C'est elle. Quand? Il y a 1 mois. Qu'as-tu répondu à cette lettre? Qu'oublies-tu que je réponde? Le coup était si inattendu, j'ai cru que j'allais devenir fou. Elle, Marguerite, me trompait. Moi qui l'aimais tant. J'avais besoin d'une affection réelle pour m'aider à vivre après ce qui venait de se passer. Je me laissais conduire par mon père. Nous arrivés à ma tour, je crus d'abord que j'allais pouvoir y vivre. C'était impossible. Je ne dormais plus, j'étouffais. J'avais trop aimé cette femme pour qu'elle pût me devenir indifférente tout à coup. Je pouvais plus y tenir. Il me semblait que j'allais mourir si je ne la voyais pas. Je suis venu ici car elle y viendra. Ce qui va se passer, je n'en sais rien. Il va évidemment se passer quelque chose. Et je peux avoir besoin d'un ami. Je suis tout à toi, mon cher Armand. Mais au nom du ciel, réfléchis. Tu as affaire à une femme. Le mal qu'on fait à une femme ressemble fort à une lâcheté. Elle a un amant, il me demandera raison. Si je fais une lâcheté, j'ai assez de sang pour la payer. Comme tu arrives tard. Nous sortons de l'opéra. Ça va bien? Très bien. Armand est ici. Il vous a parlé de moi? Bien sûr. Que vous a-t-il dit? Qu'il ne vous en veut pas, vous avez eu raison. Tant mieux, si cela est. Monsieur Duval est là, Marguerite. Je le sais. Vous me jurez que vous ignoriez sa présence ici quand vous y êtes venu? Je vous le jure. Vous me promettez de ne pas lui parler? Mais oui, je vous le promets, mais laissez-moi. Prudence, restez avec moi. Oh, bonsoir, madame. Bonsoir. tremble, vous me regardez. Je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire quand je suis en face de vous. Et vous me pouvez changer, n'est-ce pas? Soignez-vous. Soignez-vous, je vous en prie. J'irai vous voir demain pour vous gronder à mon aise. C'est cela, grondez-moi, j'en ai bien besoin. Mais est-ce que vous partez déjà? Non, mais ça ne tardera pas. J'ai le même malade à voir tous les jours à la même heure depuis 6 mois. Quelle fidélité! Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marguerite. Je suis heureuse de vous voir. Est-ce que Nichette est avec vous? Non. Et vous avez raison, Nichette ne doit pas venir ici. Aimez-la bien. Pourquoi êtes-vous venu? Faut bien que je m'étourdisse. Eh bien, si vous m'en croyez, quittez ce bal bientôt. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Armand... Armand me aime, me méprise, n'est-ce pas? Non, Armand vous aime. Voyez comme il est fiévreux. Il n'est pas maître de lui, il pourrait y avoir une affaire entre lui et Monsieur de Varville. Quoi? Prétextez une indisposition et partez. Quoi, un duel entre Varville? Oh, c'est juste, il faut que je parte. Où allez-vous? Mon ami, je suis souffrante. Je désire me retirer. Non, vous n'êtes pas souffrante, Marguerite. Vous voulez vous retirer parce que M. Duval est là et qu'il ne paraît pas faire attention à vous. Mais vous comprenez que moi, je ne veux ni ne dois quitter l'endroit où je suis parce qu'il y est. Nous sommes à ce bal, restons-y. Qu'est-ce qu'on jouait ce soir à l'opéra? La favorite. L'histoire d'une femme qui trompe son amant. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas de femme qui trompe son amant. Je vous réponds qu'il y en a, moi. Où donc? Partout. Mais il y a amant et amant. Mais il y a femme et femme. Ah ça, mon cher amant, tu joues un jeu d'enfer. C'est pour voir si le proverbe est vrai. Malheureux en amour, heureux au jeu. Tu dois être crânement malheureux en amour, car tu es crânement heureux au jeu. Mon cher, je compte faire ma fortune ce soir. Et quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je m'en irai vivre à la campagne avec quelqu'un qui m'y a déjà accompagné et qui m'a quitté. Peut-être quand je serai plus riche. Tais-toi. C'est une bonne histoire, il faut que je vous la raconte. Il y a là-dedans un monsieur qui apparaît à la fin, une espèce de Deus ex machina, qui est un type adorable. Monsieur. Si vous provoquez, monsieur Duval, vous ne me revoyez de votre vie. Ne me parlez-vous pas, monsieur? En effet, monsieur. Vous êtes si heureux au jeu que votre veine me tente, et je comprends si bien l'emploi que vous voulez faire de votre gain, que j'ai hâte de vous voir gagner davantage. Je vous propose une partie. Que j'accepte de grand cœur, monsieur. Je tiens 100 louis, monsieur. Va pour 100 louis. De quel côté, monsieur? Du côté que vous ne prendrez pas. 100 louis à gauche. 100 louis à droite. À droite, 4. À gauche, 9. Armand a gagné. 200 louis, alors. Va pour 200 louis. Mais prenez garde, monsieur. Si le proverbe dit « malheureux en amour, heureux au jeu », il dit aussi le contraire. 6. 8. C'est encore Armand qui gagne. Allons, allons, c'est le baron qui paiera la campagne de monsieur Duval. Allons, allons, messieurs, à table. Le souper est servi. Continuons-nous la partie, monsieur? Non, pas en ce moment. Vous devez une revanche? Je vous la promets au jeu que vous choisirez. Soyez tranquille, monsieur, je profiterai de votre bonne volonté. Tu as une rhume vaine, toi. Ah, tu me tutoies pas quand je gagne. Venez-vous, Marguerite? Non, j'ai encore quelques mots à dire à Prudence. Si dans 10 minutes vous n'êtes pas venu nous rejoindre, je reviens vous chercher ici, Marguerite, je vous en préviens. Mais oui, mais oui, allez, je vous prie. Prudence, allez trouver Armand. Et au nom de ce qu'il a de plus sacré, priez-le de venir m'entendre, il faut que je lui parle. Viens, viens, viens. Vous m'avez fait demander. Oui, j'ai à vous parler. Parlez, je vous écoute. Armand, il faut que vous repartiez. Que je reparte? Oui. Il faut que vous retourniez auprès de votre père et cela tout de suite. Et pourquoi? Parce que M. de Varville va vous provoquer et que je ne veux pas qu'il arrive un malheur. Et si vous me conseillez de fuir une provocation? Vous me conseillez une lâcheté? Quel autre conseil, en effet, pourrait donner une femme comme vous? Je t'assure que depuis un mois, j'ai tant souffert que c'est à peine si je la reparle par lui ce soir. Mais au nom de notre amour passé, Armand, au nom de votre mère, au nom de votre sœur, partez, fuyez-moi et oubliez jusqu'à mon nom si vous le pouvez. Enfin, vous tremblez pour votre amant qui représente votre fortune. Je peux vous ruiner d'un coup de pistolet ou d'un coup d'épée. Ce serait là, en effet, un grand malheur. Vous pouvez être tué, voilà le seul malheur. Que vous importe que je vive ou que je meure. Quand vous m'avez écrit, Armand, oubliez-moi, je suis la maîtresse d'un autre. Vous allez vous soucier de ma vie? Je ne suis pas mort après cette lettre, c'est qu'il me restait à me venger. C'est entre M. de Varville et moi une question de sang. M. de Varville est innocent de tout ce qui se passe. Vous l'aimez, c'est assez pour que je le haïsse. Vous vous souvenez bien que je n'aime pas cet homme. Alors pourquoi vous êtes-vous donné? Ne me le demandez pas, Armand. Je ne puis vous le dire. Je vais vous le dire, moi. Vous vous êtes donné à lui parce que vous êtes une fille sans cœur et sans loyauté. Parce que votre amour appartient à qui le paye. Parce que cet homme qui vous dévouait sa vie ne valait pas pour vous les chevaux de votre voiture et les diamants de votre cou. Eh bien, oui, j'ai fait cela. Oui, je suis une infâme et misérable créature qui ne t'aimait pas. Oui, c'est vrai, je t'ai menti, je t'ai trompé. Mais plus je suis infâme, moins tu dois te soucier de moi. Moins tu dois exposer pour moi ta vie et la vie de ceux qui t'aiment. Armand, je t'en supplie. Je t'en supplie, à genoux, pars. Quitte Paris, ne regarde pas en arrière. Je le veux bien, mais à une condition. Quelle qu'elle soit, je l'accepte. Tu partiras avec moi. Jamais. Jamais. Mon Dieu, donne-moi le courage. Je suis fou, j'ai la fièvre. Dis-moi un mot de repentir. Rejette ta faute sur le hasard, sur la fatalité, sur ta faiblesse. J'oublie tout. Dis-moi seulement que tu m'aimes encore, je te pardonnerai, Marguerite. Nous fuirons Paris, nous irons au bout de la terre s'il le faut, jusqu'à ce que nous soyons seuls au monde avec notre amour. Je donnerai ma vie pour une heure du bonheur que tu me proposes. Mais ce bonheur est impossible, nous ne pouvons plus nous aimer. Pars, il le faut, je l'ai juré. À qui? À qui avait le droit de me demander ce serment? À monsieur de Varville, n'est-ce pas? À monsieur de Varville que vous aimez. Dites-moi! Dites-moi que vous l'aimez et je pars. Eh bien oui, j'aime monsieur de Varville. Entrez. Entrez, entrez tous. Vous voyez cette femme? Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour vivre avec moi tant elle-même. Et c'est beau, n'est-ce pas? Savez-vous ce que j'ai fait, moi? Je me suis conduit comme un misérable. J'ai accepté le sacrifice sans rien lui donner en échange. Mais il n'est pas trop tard, je me repens. Et je reviens pour réparer ma faute. Vous êtes tous témoins que j'ai payé cette femme et que je ne lui dois plus rien. Décidément, monsieur, vous êtes un lâche.